Balek, Bollocks and Botox nous ont rejoints. Ils vont jouer dans un instant. Dernier groupe, tout à l'heure, à partir de 18h, ce sera 18h15, ce sera Craie Blanche. Pierre, toujours avec oui, nous. Oui, toujours. Tu fais tout cet après-midi. Hein. Ouais, je joue, je fais de la musique, enfin tout va bien. Voilà, quoi. Tu as joué il y a un instant avec David, J'anime. Formation David JPM. C'est ça. Et la petite interview, tu vas nous présenter, je l'ai citée il y a un instant, Balek, Bollocks. Balek, Bollocks et Botox. Alors déjà, à la base, c'était Balek et Bollocks. C'est vrai. Et il y a Botox qui les a rejoints. Donc après, si on a un quatrième, je ne sais pas si ce sera Bollocks, Batrox... Alors, je dis souvent qu'on peut reconnaître un groupe en lisant sa description Facebook. Et votre description, c'est de la zik et de la bonne rigole, en acoustique, guitare, basse, banjo, harmonica, percussion, trombone, je rigole pour le trombone, diverses. Donc voilà, je vous ai reçu dans Couleur Locale. C'est très sympa, c'est un trio très énergique. Vous avez un EP, quelque chose, je ne sais plus. Ça va sortir, mais pour l'instant, on n'est pas encore... On a des choses en préparation. Il y a des choses en préparation. Une chaîne Facebook, une chaîne YouTube. Ouais, tout va bien. En préparation et un concert en live, dès maintenant, je crois. Ben oui. Micro-question, je suis quand même intrigué par ce nom de groupe. Oui, c'est vrai. Nous aussi. Vous aussi Vous en souvenez plus quand vous l'avez choisi c'était... Non, mais c'est le fruit d'un énorme groupe de travail. D'un énorme apéro. Non. Oui, alors aussi, groupe d'accord. de travail apéritif, effectivement. D'accord. Je comprends mieux. Et d'ailleurs, pour la fête de la musique juin 2019, c'était l'origine du groupe. Hein, c'était de se créer pour faire quelque chose à ce moment-là. Et puis, de rigolade en rigolade et d'apéritif en apéritif, on a continué. Et puis, et ben voilà. On a récupéré quelques éléments au passage. Il y a Balek, Bollocks et après Botox, voilà. C'est ça. Ok, c'est ça. Et très bien. On va vous laisser jouer. C'est là que vous exprimez le mieux sur scène. Le live, Balek, Bollocks and Botox pour la fête de la musique de Fadjet. En live sur le 94.2 FM, sur fadjet.net. Et en public au 47 rue Charles III. Public, vous êtes là ? Ouais. Merci. C'est à vous. Merci. On va commencer par une reprise de Heart of Gold de Neil Young, qu'on a un petit peu réadapté à notre sauce. J'y vais ? 1, 2, 3, 4. I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. Getting old. I've been to Hollywood. I've been to Redwood. I've crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine line that kept me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Kept me searching for a heart of gold. Getting old. message in for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold, and I'm getting old. Merci! Merci! Merci, merci! On va faire une chanson qui parle d'apocalypse, parce que l'apocalypse, c'est à la mode. C'est cool. Ça s'appelle Man Comes Around, une reprise de Johnny Cash. Tu y es? Ouais. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Yeah, on your arms we'll stand up. Add the terror in each sip and in each sup. For you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground. When the man comes around, hear the trumpet, hear the piper. 100 million men are singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in a thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. And the whirlwind is in a thorn tree. It's hard for thee to kick against the bricks. Et maintenant, c'est l'heure des présentations. À ma gauche, à la guitare, l'ami Bollox. À ma droite, avec des gros doigts tout boudinés, qui ne lui permettent pas de faire de la guitare, mais uniquement de la basse, l'ami Botox. Et moi-même, à l'ego surdimensionné, car le chanteur est toujours celui qui a le plus gros melon, c'est Balek. Allez, je reprends. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise man will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crown. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around, hear the trumpet, hear the piper. 100 million hands are singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in a thorn tree. the virgins are all trimming their wicks. And the whirlwind is in a thorn tree. It's hard for thee to kick against the bricks. In measured hundred weight and penny pound. When the man comes around. Yeah! Merci! Merci, remercie encore Fagette une nouvelle fois. Ah, la prochaine chanson. J'aime bien. Elle s'appelle Where is my mind? Si mes collègues sont prêts, bien sûr. Attends, juste deux minutes. Un réaccordage. Deux minutes? Deux minutes, ça fait long, hein. C'est le temps de remercier Aurélie pour cette belle après-midi. C'est bon. Eh ben allez, on y va. Attends. C'est bon. J'envoie ? Ouais. This trick and spin it, yeah. You hear we collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Swimming in the Caribbean, where animals way out behind the rock, except a little fish, and he told me, swear he tried to talk to me, koi koi. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. With the fin on the end, you head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. You collapse, but there's nothing in it, and you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Merci. Merci. Ok. Ça chauffe un peu. Alors, on va faire une petite chanson en français pour continuer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez chanter avec nous un refrain qui est très simple. Ça fait Capitaine de la barrique. Ça, c'est un gros refrain. Donc, capitaine de la barrique, c'est le refrain, si vous le souhaitez. On n'oblige personne, évidemment. Le consentement, c'est important. Si vous chantez avec nous, vous pourrez avoir des fraises Haribo qui sont sur la petite table derrière. Allez, on y va, le capitaine de la barrique. Attends, je suis pas sur le labo. Sinon, on fait soit feignant. Ah bah voilà. Bah passe-moi là. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est du live. Ça, c'est une équipe. Allez, yalla. Vas-y. Petite harmonica avant. Hein ? Petite harmonica pour démarrer. Ah oui, pardon. Petite harmonica en introduction que j'ai oublié de faire. Calva dans son rhum, sa ponctuation bélique, le capitaine de la barrique, c'est qui n'a pas eu d'enfant, du moins c'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique, le capitaine de la barrique, et c'est qui chante à les roules. Allez, roule et roule ma poule dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. C'est qui pêche le varec et les emmerdes qui vont avec. C'est qui a sorti Moby Dick, le capitaine de la barrique. Quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste, c'est qui passe devant la crique, le capitaine de la barrique. Dans le port d'Aumonville, la rogue, il râle ses filets pleins de code. Le remarre avec l'élastique, le capitaine de la barrique. Il ne navigue pas tout seul, avec Elsa, son Jack Russell. C'est qui a un chien de cirque, le capitaine de la barrique. Quand il a noyé son permis, c'est qui a lissé ta qui. La belle voiture électrique, le capitaine de la barrique. C'est qui en voyant la terre de Jersey, île d'Angleterre, a gueulé vive l'Amérique, le capitaine de la barrique. Merci Padgett. Merci, merci Padgett. Public. On a encore du temps ou pas? Ouais.

I hear the train a-coming, it's rolling round a bend. Hey, I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps moving, on back to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folk eating in a fancy dining car. They probably drinking coffee and smoking big cigar. But I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. From this prison, that railroad train was mine. I bet I'd move it all a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'll let that lonesome whistle blow my blues away. Merci. Merci Padgett, merci au public qui est présent. Ouais, merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Merci, merci. Tu en fais encore une ? Quoi ? Ouais ? Bah quoi ? Bah je sais pas. Bah justement. Quoi ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ah bah alors c'est bon. Ils sont fatigués. Attendez. Okay. Une autre. Ah bah tiens. Allez, on improvise. Allez, vas-y. Une dernière, Balek, Bollocks and Botox. Ok. Allez, on va faire une simple. Hop. Allez, petite chanson en français pour finir. Allons voir. Allez. Allons voir. Une chanson de la rue qui est à nous, qui s'appelle « Allons voir » et qui rend hommage au public. Je vais mettre un drelin de pied pour la voilà. Parce que je ne l'ai pas sorti de la, du choix. Ok. J'en vois. Allez. 1, 2, 3, 4. Allons voir. Allons voir ce que demande la poule. Veut-elle qu'on lui rachète son âme? Veut-elle qu'on la dépouille? Allons voir, puisqu'on nous appelle, puisqu'on nous montre du doigt. Allons voir qui tire les ficelles. Est-ce bien ce que l'on croit? Est-ce les haillons ou la dentelle? Est-ce le roi de je ne sais quoi? Est-ce le ventre ou la cervelle? Est-ce la population d'en bas? Allons voir, puisqu'on nous rappelle. Allons voir, puisqu'on y croit. L'enfer qui brûle le ciel, c'est arrivé quelquefois. Alors reprenons la route sans revenir sur nos pas, pendant que le dos se voûte, dans le torse, le cœur se bat. Et déjà ça fait scandale, et encore ça fait longtemps que l'on incarne le mal, où le remède ça dépend. Nous les anges qu'on envoie au diable, nous les démons qu'on attend, nous sommes indispensables, comme le doute au jugement. Et allez! Appelle, puisqu'on nous montre du doigt, allons voir qui tire les ficelles, est-ce bien ce que l'on croit. Ah merci, merci, merci. Merci. Merci Fagette, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Balek, Bollox and Botox. Alors si des auditeurs veulent en écouter un peu plus, on peut retrouver des titres où? Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, et puis on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Balek, Bollox et Botox, tout simplement. Alors si vous ne retenez pas le nom, vous allez sur la page de Fadjet, on a partagé notamment des vidéos de cet après-midi et de l'événement, super. Ça vous aurez le lien pour retrouver la page directement. On est facile à retrouver, notre symbole et notre étendard est un slip kangourou géant. On s'est demandé tout à l'heure dans le public, on m'a demandé à qui c'était. Parce qu'effectivement, c'est une très celui grande taille. Celui qui a le plus gros popotin. C'est une très grande taille, mais... Ou alors c'est pour les trois réunis, c'est ça? On peut y aller à plusieurs, oui. Un grand merci à vous. Merci, encore merci public. À vous encore. Merci, merci. Merci.